Et alors, ce matin, on va aller dans 1 Corinthiens 13 pour débuter. On est dans 1 Corinthiens 13, qui est en fait le chant à l'amour. Et comme on l'a vu la semaine dernière, ce n'est pas un accident si l'apôtre Paul a écrit ces versets dans le chapitre 13, compte tenu de la vie de l'Église à Corinthe, l'Église qui avait tristement beaucoup de problèmes, et Paul leur a montré une voie plus excellente, comme il a dit au chapitre 12 et au verset 31, « Je vais encore vous montrer une voie plus excellente. » Et puis, il va leur dire, la charité est patiente, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et cette semaine, on va considérer que l'amour, ou dans votre Bible, c'est peut-être la charité, eh bien, elle est pleine de bonté. Que la charité est pleine de bonté. Je vous dis en passant que le mot qui est employé ici dans la langue originale, dans le grec, « pleine de bonté » est utilisé uniquement ici, mais le principe se retrouve ailleurs dans l'Écriture. Et c'est bon de savoir c'est quoi avoir de la bonté, c'est quoi être plein de bonté. Et pour en arriver là, eh bien, on voit d'autres passages qui ont fait allusion à cela. Dans Galates, au chapitre 5 et au verset 22 et 23, l'apôtre Paul a écrit, et je lis, « Mais le fruit de l'Esprit ». Et là, c'est intéressant, si vous n'aviez pas remarqué, peut-être que vous l'aviez remarqué, il va dire « le fruit de l'Esprit » et non pas « les fruits de l'Esprit ». Pendant longtemps, au début de ma vie chrétienne, je lisais ça, mais les fruits de l'Esprit. Pourquoi? Parce que je voyais plusieurs éléments mentionnés tout de suite après, puis on aurait dit que dans ma tête, ça ne pouvait pas être le, ça devait être les. Mais c'est le fruit de l'Esprit. Ça veut dire que c'est la façon dont l'Esprit de Dieu agit en nous. C'est la façon dont l'Esprit de Dieu prend contrôle de nos vies. Il dit ici le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Oh, on avait ça tantôt dans 1 Corinthiens 13. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. On a vu ça la semaine dernière. Et tout de suite après, il dit la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et il rajoute, la loi n'est pas contre ces choses. Et ici, il fait mention que ça fait partie du fruit de l'Esprit. Ce qui veut dire que si j'ai l'Esprit de Dieu, cette semence-là a déjà été déposée dans mon cœur. Alors, l'Esprit de Dieu fait ce travail-là dans ma vie. Ce n'est pas quelque chose qui est une option, puis je prends ce qui fait mon affaire, puis je laisse le reste là. C'est là, en entier. C'est ce qu'on appelle en anglais un « package deal ». Hein? On achète des objets, à un moment donné, puis il y a plein de choses qui viennent avec. Des fois, il y a des choses qu'on pense inutiles, puis il y a des choses qu'on trouve utiles, mais tout vient ensemble. On prend ce qui fait notre affaire. Si vous achetez un véhicule et qu'ils disent il y a un package deal, ben il y a peut-être des sièges plus confortables, mais il y a peut-être d'autres choses dedans. Par exemple, si vous ne faites pas confiance au régulateur de vitesse, ce qu'on appelle peut-être en français le cruise control, si vous ne faites pas confiance à ça, vous ne vous en servirez pas. Mais c'est là, c'est dans votre voiture, les vitres électriques, les portes électriques et tout ce que vous voudrez. C'est tout mis ensemble, puis vous payez pour tout ça ensemble, puis ça coûte moins cher parce que c'est tout ensemble. C'est on appellerait ça chez les restaurateurs, un combo. OK? Alors, le combo, dans le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Puis la loi n'est pas contre ces choses-là. Dans Éphésiens, et là, vous pouvez y tourner, dans Éphésiens 4, on va passer plus de temps dans cette épître et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'à la fin du chapitre 4, il y a vraiment ce qu'on veut toucher ce matin. Éphésiens 4, je vais lire du verset 17 jusqu'au chapitre 5, verset 2, parce que c'est un tout. Comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a écrit un jour, là, il a écrit, à ce soir, je fais le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Alors, il s'est assis, puis il a fait le chapitre 4, puis il a dit, bon, bien, je continuerai une autre fois. Puis là, une autre fois, il a dit, bon, bien, je vais commencer le 5. Ah oui, j'avais fini avec ça, je pourrais peut-être ajouter ces détails-là. C'est l'homme qui a divisé ces chapitres-là, et il semble avoir eu un consensus entre les gens qui nous ont savamment donné nos Bibles, et ça nous permet, à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, de pouvoir mieux se retrouver alors qu'on fait notre lecture. Par exemple, s'il n'y avait pas ces versets et ces chapitres, ce matin, j'aurais dû vous dire « peut-être » à la page une telle. Tandis que là, je peux vous dire au chapitre 4, on va commencer à lire au verset 17. Alors, moi, je lis à partir de la Louis II, 1910. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Curieusement, ici, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens. Et ces chers Éphésiens à qui il écrit, ils sont comme nous à Victoriaville, des païens. On est, selon les termes bibliques, des païens. Il y a les juifs et il y a les païens. Il y a certaines versions qui ont utilisé un mot peut-être un petit peu plus facile à accepter, les gentils. Moi, j'aime mieux me faire appeler un gentil qu'un païen. Parce que dans ma tête, quand j'ai lu pour la première fois dans ma Bible les païens, j'avais une petite réticence. Mais c'est le même mot, ce sont les mêmes idées, c'est juif et non-juif. Mais il dit à ces non-juifs, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, comme ceux qui autour de vous vivent sans foi ni loi, vivent comme si Dieu n'existait pas, vivent avec leur propre conception de Dieu, puis moi, si ça ne fait pas son affaire, moi, ça ne me dérange pas, moi, je vais continuer de vivre de même. Il dit, ces gens-là, au verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. Quand les gens ont crucifié Jésus sur la croix, il y avait des Juifs, il y avait des Romains. On sait que c'est les Juifs qui avaient incité les Romains à condamner Jésus. Jésus a dit, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas savoir ce qu'on fait, ça ne fait pas partie de l'ignorance. Oui. Alors, il nous dit ici, à cause de l'ignorance qui est en eux, mais il y a aussi un autre point, l'endurcissement de leur cœur. Quand est-ce qu'on a entendu pour la première fois cette expression-là, l'endurcissement du cœur? Il y avait un roi en Égypte qui endurcissait son cœur à chaque fois que Moïse faisait un prodige. Il disait oui sur le champ, puis après ça, il revenait en arrière, puis il endurcissait son cœur. Avoir un cœur endurci, c'est de résister à la parole de Dieu. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. L'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, là, il parle des chrétiens, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, on a appris Christ. Quand on lit la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Jésus est la parole manifestée. Il est dit dans la parole, chapitre 1 de l'Évangile de Jean, vous connaissez probablement tous ce verset-là, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et au verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire. » Qu'est-ce que ça dit après? Une gloire comme la gloire du Fils de Dieu. Alors Jésus est la parole manifestée. Jésus est la parole de Dieu. Quand on lit dans le livre de la Genèse au chapitre 1, Dieu dit. Quand on dit, on parle. Et il dit, Dieu dit. Et cela est arrivé. C'était la parole en action. C'était Jésus en action dans la création. C'est pas pour rien qu'Hébreux nous dit que toutes choses ont été faites par lui. C'est pas pour rien que dans Jean 1, il dit toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Alors, il nous dit ici, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, puis là on a été appelé à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Quand Dieu sauve un homme, quand Dieu sauve une femme, quand Dieu sauve une personne, il change son cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est quelqu'un de nouveau. Ses pensées sont changées, sa vie, son comportement va changer. Il va voir les choses selon Dieu, avec les yeux de Dieu. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une justice et une sainteté que produit la vérité. Dans sa prière sacerdotale, Jésus dit à son Père, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La transformation du chrétien se fait par la lecture de la parole de Dieu. Une lecture qui est faite avec un cœur sincère, avec un cœur qui est prêt à accepter que Dieu va toucher à des bobos. Vous savez, quand Dieu touche à des bobos, ça fait mal. C'est comme si vous fêlez, par exemple, le coude, puis que moi, j'arrive à côté, puis je pèse dessus, vous ne m'aimerez pas. Vous allez dire, tasse-toi. Pourquoi vous allez dire, tasse-toi? Parce que ça fait doublement mal, puis vous ne voulez pas que personne y touche. Bien, il nous dit ici, c'est pourquoi, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. La vérité va nous transformer. C'est pourquoi, au verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Mes frères et mes sœurs, si c'est un problème que j'ai dans ma vie, que vous avez dans votre vie, il me dit de faire la lutte. Puis, il nous dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il n'y aura pas un menteur qui va hériter du royaume de Dieu. Donc, il faut faire la lutte au mensonge. Puis ça, c'est une lutte que chacun d'entre nous en a. Que Dieu nous donne la victoire là-dessus, qu'on soit de plus en plus véridique dans tout ce qu'on dit. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Juste me donner un petit exemple. Vous arrivez ici un matin, puis vraiment, ça ne file pas. Ça ne file vraiment pas, puis il est arrivé des choses, puis la pilule a mal passé, je peux dire. Et moi, je viens vous voir, puis je vous dis « Bonjour, comment ça va? » Puis si vous me dites « Ah, ça va bien, ça va bien. » Je ne dis pas d'exposer à toute l'Assemblée vos problèmes. Mais j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit « Ça pourrait aller mieux. » Mais d'un autre côté, il ne faut pas faire par exprès pour se mettre la baboune. Vous savez c'est quoi faire la baboune? Il ne faut pas faire par exprès pour faire la baboune. On est quand même appelé à être toujours joyeux. Puis peut-être qu'on va chercher une raison. Peut-être que là, le verset qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » vont m'aider à avaler la pilule que j'ai à avaler. Alors, on doit parler selon la vérité à son prochain. Et c'est important de se dire les vraies choses ensemble. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec un frère puis une sœur, il y a une démarche à faire. C'est quoi la démarche? Allez voir ton frère, allez voir ta sœur, puis dire « Règlons nos affaires ». Ça, c'est la façon de faire. Puis ça, c'est selon l'esprit. Alors, que Dieu nous donne d'être véridique, puis s'il y a quelque chose qui, dans nos vies, nous achale chez quelqu'un, qu'on ne fasse pas comme s'il n'y avait rien, puis qu'on camoufle pas cette amertume qu'on a dans le cœur, allons la régler, qu'il n'y ait pas de racine d'amertume qui s'implante dans nos cœurs. Allons-y, puis parlons-nous. On est des chrétiens. On devrait être capable de se parler. Apprenons à nous parler. Si ce matin, après le message, là, il y a quelque chose, vous dites, « Hey, là, ce qu'il a dit, lui, là, j'accepte pas ça. » Ça se peut. Bien, allez pas le dire aux autres autour, venez me le dire. Puis, ça ne veut pas dire que je vais vous écouter puis que je vais vous dire, OK. Mais je vais être capable de vous expliquer le pourquoi. Puis, à quelque part, peut-être, qu'en faisant ça, je vais grandir dans ma foi. Je vais grandir en réalisant que, vous avez raison, je ne suis pas l'autorité finale en matière de foi et de conduite. OK? Je n'ai pas encore le statut d'infaillibilité. Donc, il m'arrive de peut-être dire des choses que ma compréhension fait en sorte que vous allez dire, « Daniel, ce n'est pas tout à fait correct. » Et là, vous allez me montrer ce que vous savez, puis peut-être que ça va être un gros plus dans ma vie. Moi, il y a une chose que j'ai appréciée la semaine dernière, et je touche à cela parce que je trouve que c'est important. Après le culte, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui est venu me voir, et puis qui m'a dit quelque chose. Est-ce que la personne m'a dit, et je vous le dis tout de suite, ce n'était pas mon intention, puis c'est pour ça que je suis content d'y revenir. Vous savez, quand j'ai dit, par exemple, je l'ai dit, quand j'ai dit la semaine dernière, ils étaient des nôtres, mais ils sont sortis, puis cela, ça a mis en évidence qu'ils n'étaient pas vraiment des nôtres. La personne a pensé que moi, je parlais de ceux qui nous ont quittés, puis que je parlais d'eux autres. Pas du tout. Parce que ces gens-là qui étaient avec nous, qui sont partis, étaient libres de partir, première des choses. Et deuxième des choses, pour moi, ce sont des frères et des sœurs dans le Seigneur. Tandis que le texte que je vous ai cité dans 1 Jean, ce sont des gens qui ont fait profession de foi et qui n'ont pas tenu la route. Ce sont ceux qui étaient soit la deuxième semence ou la troisième semence. Et là, il faut faire attention. Mais j'étais content que la personne vienne me le dire pour la simple et bonne raison que je me suis dit. Et c'était un peu une pratique dans ma carrière d'enseignant. Si un élève venait me voir puis me posait une question, je disais à l'élève, soit après ou sur le champ, je te remercie. Parce que dans ma tête, je savais que si lui, il avait osé me la poser la question, sur un groupe de 28 élèves, il pouvait en avoir 7-8 qui avaient compris les choses comme lui. Alors, si jamais c'est ça que vous avez pensé, puis que la personne qui est venue me dire ça, ça correspond à ce que vous avez pensé aussi, mais je vous le dis tout de suite, ce n'était pas ce que j'ai voulu dire. Parce que pour moi, ce sont des frères et des sœurs dans le Seigneur, je les aime et je prie pour eux autres. Il faut que ça soit clair, ça. Mais merci à cette personne-là qui a pris le temps de venir me le dire, puis pas le colporter autour, puis de dire aux gens qui étaient là à l'Assemblée, à des personnes qui étaient là dans l'Assemblée, « As-tu vu ce qu'il a dit? » Il voulait dire ça. Moi, en venant me le dire, j'ai pu corriger sa compréhension, puis de lui dire que ce n'était pas ça. Puis ce matin, ça me donne l'occasion de vous dire, c'est pas ça que j'ai dit et que j'ai voulu dire. Donc, on continue. Si vous vous mettez en colère, et ça c'est un verset qui a dû vous surprendre puis qui m'a surpris la première fois que j'ai lu ça, ou peut-être pas la première fois que je l'ai lu, mais sûrement la première fois où est-ce qu'il m'a frappé. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Pour moi, se mettre en colère, c'était toujours un péché. Mais ici, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ce qui m'a aidé à comprendre ça, c'est que la Bible parle de la colère de Dieu. Et compte tenu que la Bible parle de la colère de Dieu, est-ce que Dieu pêche? Non, absolument pas. Mais nous autres, on n'est pas Dieu. Et puis si on se met en colère, il dit, péchez pas. Comment on va pécher si le soleil se couche sur notre colère? Si on rumine ça, puis on développe de la rancœur dans notre cœur, là, c'est plus correct. Et là, on ne parle pas de péter des plombs, puis là, on ne parle pas de quelqu'un qui manque de contrôle. Mais il y a des choses, en tant que chrétien, qui vont faire en sorte qu'on ne sera pas content et on va mettre les pendules à l'heure. Et surtout avec certaines choses qui vont se faire dans le monde, mais ça peut arriver aussi avec des frères et des sœurs. Réglons ça le plus rapidement possible. Parce que si on ne règle pas ça, il nous dit au verset 27 que ça va donner accès au diable. Et ça, il ne faut pas faire ça, parce que ça, c'est dangereux. Le diable, il attend juste ça pour semer ce qu'on a vu la semaine dernière, la zizanie dans l'Église, l'ivraie dans l'Église. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Je pense que avant d'être sauvé, on a tous à quelque part piquer des choses. Si vous n'avez jamais piqué, ben gloire à Dieu, parce que c'est vraiment pas correct. D'ailleurs, c'était écrit à un moment donné dans une publicité, piquer, c'est voler. Mais je dois confesser que ça m'est arrivé. Puis, quand Dieu m'a sauvé, j'en ai eu des remords, puis je voulais corriger mon tir. J'étais peut-être un peu comme Zachée quand Zachée a été sauvé. Qu'est-ce que Zachée a dit au Seigneur Jésus. Je vais y remettre pas mal plus si j'ai volé quelqu'un. Alors, on voit qu'il y avait un cœur transformé. Le salut était rentré dans sa maison. Et c'est une des choses qui devrait disparaître. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, quand il dit ici qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, il y a un autre auteur de la Bible qui a joué ou plutôt utilisé cet argument-là. C'est l'apôtre Jacques. Il nous a montré comment notre langue est dure à contrôler. Que Dieu nous donne la grâce de contrôler notre langue. Que Dieu nous donne la grâce d'être celui qui va contrôler. Il dit, un petit gouvernail dirige un grand bateau. Puis la langue, c'est un petit manque dans notre cœur qui peut faire beaucoup de mal. Que Dieu nous donne de la contrôler, notre langue. Que Dieu me donne de la contrôler, ma langue. Avant de dire quelque chose, que je... Comment tu dis ça, Claude? Oui. Alors, il faut que tu y penses comme il faut avant de le dire, pour t'assurer que c'est la vérité, que ça ne blesse pas, et que ça n'affecte pas les personnes autour de toi. Et là, il ajoute, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit. Ces choses-là, attriste le Saint-Esprit qui est en vous. Et ça fait en sorte qu'en tant qu'individu, lorsque je fais ces choses-là, il y en a qui diraient que c'est la conscience, mais ici, on voit que c'est l'Esprit de Dieu qui va interpeller. Parce que mon être naturel est porté vers le péché. Mais l'Esprit de Dieu par lequel j'ai été scellé ne me laissera pas tranquille avec ça. Lui, il est là pour me sanctifier, pour me transformer, pour m'amener à être à l'image de Jésus-Christ. Donc, c'est certain que je n'aimerais pas ces choses-là. Et il va y avoir une lutte entre ma chair et l'Esprit de Dieu. On va y venir. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez, on a parlé aujourd'hui que l'amour, dans 1 Corinthiens 13, est plein de bonté. Soyez bons les uns envers les autres. Toute amertume, c'est tout ressentiment mêlé de tristesse. C'est causé, bien des fois, par une humiliation, une injustice. C'est de la rancune. C'est du ressentiment. Et le dictionnaire dit c'est de la haine. Il faut faire attention à cela. Que toute amertume, quand il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption », il rajoute après que toute amertume, tout ressentiment mêlé de tristesse causé par une humiliation, une injustice, de la rancune, du ressentiment, de la haine. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire ça, avec ça? il va dire, disparaisse du milieu de vous. Que toute animosité, antipathie, emportement, violence qui en résulte, ça se fait dans un discours, dans une discussion, dans un affront. Il faut que ça disparaisse du milieu de nous. Toute animosité doit disparaître du milieu de nous. Oups, il a dit, si vous péchez, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Mais ici, il va dire toute colère. Là, c'est vraiment le fait de perdre le contrôle. C'est une réaction violente et passagère. C'est accompagné d'agressivité. On a juste, examinons-nous là. Regardons pas notre voisin, regardons-nous. C'est dû à un profond mécontentement. Il y en a qui se sont promenés ce printemps pour défendre les droits à la liberté avec les poings en l'air. Moi, quand je vois ça, là, une manifestation pour l'amour avec les poings en l'air, j'ai bien de la misère. Je trouve que l'image et la cause, ça ne fonctionne pas ensemble. J'ai une photo, j'aurais pu vous la montrer, de quelqu'un qui était vraiment en colère, là, dans son visage, là, puis c'était pour une bonne cause. Mais les journalistes, quand ils ont pris cette photo-là, ils n'ont pas choisi la bonne photo. Parce que ça ne démontrait pas, mais vraiment pas, que la cause était bonne. Que toute clameur, ensemble de cris confus, tumultueux, vacarme, tumulte, brouhaha, grand bruit, tapage, cacophonie. Avez-vous un exemple de la Bible de cela? Il y avait un homme qui faisait des temples, des petits temples pour la grande déesse Diane. Et à un moment donné, il a monté la foule puis il a dit, lui, là, si on ne le fait pas sortir d'ici, il est en train de ruiner notre industrie. Et là, la Bible nous dit que là, la foule est venue. Les gens ne savaient même pas pourquoi ils criaient, mais ils criaient. Puis il a fallu qu'ils soient arrêtés par quelqu'un de responsable qui a dit, écoutez, on pourrait avoir des problèmes avec ce qui vient de se passer. Mais les gens criaient. Jésus s'est promené dans les rues de Jérusalem, dans les différentes villes de la Palestine. Il a fait beaucoup de guérisons, il a vraiment fait des choses extraordinaires. Et à un moment donné, la foule a dit, « Crucifie-le! Crucifie-le! Crucifie-le! » Des clameurs. En tant que chrétien, on n'embarque pas là-dedans. Il ne faut pas embarquer là-dedans. Qu'il ne soit pas même mentionné parmi vous. Les calomnies, que toute calomnie, accusation mensongère qui attaque l'honneur de quelqu'un, du dénigrement, de l'insinuation, de la diffamation, de la médisance, c'est-à-dire révéler des choses défavorables à propos de quelqu'un, en dire du mal, les accusations, les critiques, les plaintes, les rabaissements, le salissage, que ce ne soit pas nommé parmi vous. En tant que chrétien, c'est de marcher à l'encontre de l'Esprit. Ça l'attriste, le Saint-Esprit, quand on fait des choses de même. On devrait être des gens civilisés et être capables de se parler. Puis s'il y a quelque chose que tu vois chez un frère ou une sœur, Jésus a donné un principe. Va, puis règle ça entre toi, puis lui seul. Puis si la cause en vaut la peine parce que la personne, à quelque part, ne t'écoute pas, puis ne veut rien savoir, tu peux y aller avec un frère ou deux. Mais c'est à l'extrême que là, on va agir, réagir et aller vers une discipline. Mais La plupart du temps, si tu es chrétien, si on est des chrétiens, ça va se régler. Alors, prenons le temps de se parler. Et puis là, il dit, et toute espèce de méchanceté, bien, que ça disparaisse du milieu de vous. Alors, en tant que chrétien, on doit faire la lutte à notre chair. Ma chair, là, elle me joue des tours. J'aimerais bien ça, moi, que être comme le Seigneur Jésus, mais je me fais prendre tout le temps. Ma chair me joue des tours. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. C'est de la bonté. Bon, les uns envers les autres. C'est être compatissant. C'est apprendre à se pardonner réciproquement. On va tourner dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Si vous avez une Louis II 1910 comme moi, vous savez, Louis II, il a fait un très beau travail. Mais c'est bon de lire aussi d'autres versions. J'ai vérifié dans différentes versions parce qu'il y avait une chose dans Romains 8 qui me tiquait. Vous savez ce que ça veut dire, me tiquait? À chaque fois que je le lis, ça m'amène à des questions. Et ici, dans la 1910, Louis II va employer le mot « esprit », puis avec un petit « e », puis quelquefois avec un « e » majuscule. Mais si vous prenez la Bible de Genève, si vous prenez la Bible la Colombe ou les autres, ils ont corrigé le tir, selon mon interprétation. Il nous dit ici, au verset 2, « La loi de l'esprit de vie ». C'est intéressant, la loi, c'est quoi une loi? Un commandement? C'est quelque chose qu'on t'impose. La loi de l'esprit. Ici, il aurait dû y avoir une majuscule de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a rendu libre par rapport au péché et à la mort. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Wow! Alors, on voit ici que l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi du péché et de la mort. Il dit « chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force ». Il venait juste de dire auparavant « je veux faire le bien, mais je ne suis pas capable. Je ne veux pas faire le mal, mais je ne suis pas capable non plus ». C'est pour ça qu'il dit ici « car chose impossible à la loi parce que c'est la chair ». Qui la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus, il est venu là d'un camp pareil comme vous puis moi. Il a passé par la naissance, il est né pareil comme vous et moi, à la différence que lui, il n'a jamais péché. Jamais. Mais il y avait une chair pareille comme la nôtre. Et cela, pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. On aurait dû avoir ici un majuscule si vous avez une Louis II 1910, mais il ne l'a pas fait. Mais nous marchons non selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il faut faire mourir notre chair pour vivre pour Christ. Il faut laisser la place à l'Esprit de Dieu. Il nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est ce qu'on a lu dans Éphésiens au chapitre 4. Puis il nous dit aussi de ne pas éteindre le Saint-Esprit dans Thessaloniciens. Il dit l'affection de la chair, vouloir satisfaire sa chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Laissez l'esprit de Dieu œuvrer en moi. Car l'affection de la chair est inimitiée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Puis pousse la note un peu plus loin. Elle ne le peut même pas. Elle ne le peut même pas. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, Jésus est avec ses disciples. Et à un moment donné, dans ce même moment donné-là, les disciples ont dit à Jésus, « Ouais, mais qui peut être sauvé? » Et Jésus répond, « Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Parce que les disciples avaient compris que ce que Jésus venait d'enseigner, bien là, on n'est pas capable de faire ça, nous autres. Puis c'est ça qu'on a conscience, chacun d'entre nous, quand on a cru en Jésus-Christ. L'affection de la chair est inimitiée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, écoutez bien ce qu'il dit, parce que ça s'adresse à chacun d'entre nous qui sommes sauvés, qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit, le don de l'Esprit, ce n'est pas un second blessing, comme certains disent. Ça vient avec le salut. Ça vient avec le salut. Alors, si l'Esprit de Christ, si l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'y appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit et vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous. Alors, on voit ici que la place de l'esprit dans la vie du croyant, c'est capital. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit de Dieu vous vous laissez conduire, transformer par l'esprit, vous allez vivre. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres mots, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont fils de Dieu, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et il dit au verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » L'esprit, là, il n'est pas là pour vous rendre la vie misérable. Il n'est pas là pour vous dire, touche pas à ci, touche pas à ça, fais pas ci, fais pas cela. Il n'est pas là pour ça. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions quoi? Papa! Papa! L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, que Dieu nous aide à comprendre cela, puis que ça puisse avoir un impact dans nos vies, qu'on n'attriste pas le Saint-Esprit. On a vu quoi faire pour ne pas l'attrister. L'apôtre Paul vient de nous le donner. C'est pour ça qu'il nous dit au chapitre 5 de Éphésiens, devenez donc les imitateurs de Dieu comme on est des enfants, comme des enfants bien-aimés. Dieu est notre Père, on l'appelle Papa. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. Marchez dans la charité. Il dit que Enoch, il a fait quoi? Il a marché avec Dieu. Marcher dans la charité. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, comme un sacrifice de bonne odeur. Notre modèle ultime, c'est le Seigneur Jésus. Qu'on découvre de plus en plus notre Seigneur et notre Sauveur. Si ce matin, vous n'avez pas mis encore votre confiance en Jésus, il y a plein de promesses pour vous dans la Bible. Et il y a la promesse que si, peut-être que vous vous dites, je vais essayer de me transformer, je vais essayer de me changer, mais on a lu dans Romains, hein, impossible. Moi, je ne l'ai pas réussi, puis je ne réussis pas encore. Je travaille à cela, je cherche la sanctification, mais j'ai encore des luttes et du chemin à faire. Fait que, faites-vous-en pas avec ça. Dieu veut venir dans votre vie, si vous n'avez pas mis votre confiance en Jésus-Christ, il veut venir dans votre vie, puis lui, il va le faire, le ménage. Lui, il a le spick and span céleste. Savez-vous c'est quoi le spick and span céleste? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il n'y a pas une tâche qui résiste à ça. Et il va vous transformer. Puis il va vous amener à avoir cette joie, cette paix qui est en Christ. Vous allez vous en aller en criant « Alléluia ». Pourquoi? Parce que vous allez expérimenter ce que le pèlerin, dans le voyage du pèlerin, si vous n'êtes pas sauvé encore, ou si vous n'avez pas mis votre confiance en Jésus, peut-être que vous ne savez pas ça, là, mais le voyage du pèlerin, c'est l'histoire d'un homme qui a traîné un gros fardeau pendant une grande partie de sa vie, puis essayait de rentrer au ciel, mais ça ne passait pas dans la porte. Il a fallu que le fardeau tombe. Et quand Jésus vient dans ta vie, il détache ce fardeau qui est attaché à toi. Et là, tu es libéré. Là, tu es soulagé. Mais surtout, tu reçois le Saint-Esprit qui t'aide à vivre la vie que Dieu avait en réserve pour toi. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, a dit Jésus, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Pour moi qui suis chrétien, je dois encore me rappeler tout cela. Et qu'est-ce qu'il faut que je délaisse? Paul, il me l'a dit dans Éphésiens, le péché. Il ne faut pas que j'attriste le Saint-Esprit. Sinon, c'est comme si je me remettais des poids sur les épaules. Que Dieu m'aide à faire ce qui est agréable à lui. Que Dieu me donne dans sa grâce de me laisser guider par le Saint-Esprit. Que je sois un homme spirituel.